L'actualité à Nancy et ailleurs. Le week-end des 4 et 5 avril, Wonderland revient pour sa 5e édition au CCAM avec pour thème la construction. Virginie Opépero, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des publics et programmations jeunes publics du Centre culturel André Malraux de Vendeuvre-les-Nancy, bien sûr. 5 ans pour Wonderland. Alors, pouvez-vous nous rappeler un peu comment est né ce festival et en quoi il se distingue pour le jeune public ? Wonderland, effectivement, est né il y a 5 ans. C'est un temps fort jeune public. On n'appelle pas vraiment festival parce que nous programmons 2 spectacles. Un à destination des plus petits à partir de 3 ans et un autre plutôt sur la tranche d'âge 8-10. La vocation de Wonderland, c'est imaginer un petit peu comme une grande malle au trésor où les enfants pourraient piocher un petit peu à leur guise une exposition, un spectacle, faire un atelier de pratique artistique. L'idée étant qu'il y ait une pluridisciplinarité à leur proposer et qu'ils puissent découvrir bientôt un spectacle de danse, de théâtre, une exposition. Voilà. Plein de choses dans cette malle, avec un principe fondateur, je crois, la liberté, hein, c'est ça, de circuler, de choisir, de s'arrêter, exactement, de repartir. Ouais. Voilà, c'est ça. Et l'idée était que si un enfant a envie de passer un temps important dans la galerie pour visiter l'expo qui sera cette année de Vincent Godot, qui est un illustrateur, qui s'appelle Carré sur pâte, et il peut le faire, il peut faire un atelier en autonomie, le refaire. Bon, après, aller voir le spectacle 2 fois, ça dépend aussi de la disponibilité évidemment des places, mais l'idée fondatrice du temps fort jeune public Wonderland, c'est effectivement de laisser l'enfant au gré de ses envies et de ses découvertes. Une thématique pour cette 5e édition, la construction, pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. La construction au sens propre et au sens figuré, c'est-à-dire que de mettre en parallèle la construction de soi, de ce qui fait et qui constitue l'humain, le jeune humain, le plus vieux, et puis la construction au sens propre du bâtiment, de la pelleteuse et du chantier, voilà. Donc, c'est de mêler un petit peu tout ça et d'être dans un temps de construction pour tous. On a nommé des choses un peu de cet ordre-là. D'ailleurs, tout ce qui est spectacle, expo, installation, on a appelé ça les fondations. Tout ce qui est atelier de pratique artistique, on a appelé ça le chantier. Et puis, il y a la caisse à outils où là, il y a la possibilité de faire de la sérigraphie, il y a le Wonder Bar, le Wonder Livre. Et puis, on a un temps particulier cette saison et nouveau, avec un espace sensoriel, on a souhaité mettre en place un espace qui va rester pérenne pour accueillir tous les enfants, les adultes également, qui ont besoin d'un temps de calme. Donc ça sera un endroit dédié au calme pour se recentrer, pour reprendre un petit peu du souffle et repartir de plus belle. Wonderland, il est porté par le CCAM, mais vous faites ça pas tout seul, hein. Vous avez de nombreux partenaires avec vous. Absolument, et des partenaires précieux tels que le MAN, donc le Musée Aquarium de Nancy, depuis le début. On travaille, on réfléchit ensemble à des ateliers, et puis cette saison, le Féru des Sciences aussi va participer avec un atelier robotique. On a un partenariat avec des partenaires locaux, enfin vraiment territoriaux, comme la médiathèque de Vendeuvre, qui fournit l'ensemble des ouvrages qui permettent de faire l'espace bibliothèque, l'espace livre de Wonderland, avec la ludothèque qui va proposer cette année un atelier important de jeux de construction. Type énorme Lego, voilà, de gros mécanos, etc. On a également, parce que Wonderland, effectivement, c'est en temps tout public le 4 et le 5 avril, mais il y a aussi le temps scolaire, et on a un partenariat fort aussi avec l'INSPE de Lorraine, où des futurs enseignants se sont emparés du sujet de Wonderland pour mener des ateliers, là, qui seront donnés sur le temps scolaire. Alors, pour vivre au mieux ce que propose cette grande malle du Wonderland 5e édition, qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux familles qui pourraient venir les 4 et 5 avril ? Eh bien, je conseillerais déjà de réserver les places pour les spectacles qui sont en ligne sur le site du CCAM. Et puis ensuite, de se balader, je dirais. Il y a un nombre assez important d'ateliers qui ne nécessitent pas d'inscription. Et puis, il y a d'autres ateliers, comme un atelier ébénisterie avec une artiste qui s'appelle Léanique Bourgoin, où là, évidemment, on ne peut pas accueillir 50 enfants en même temps. Mais donc, venir tôt, le lieu ouvrira à 13h. Et chacun pourra s'inscrire sur les ateliers à ce moment-là. Voilà, le Wonderland 5e édition, c'est de 13h à 18h les 4 et 5 avril. Le site internet, c'est www.centremalraux.com. Un dernier mot peut-être ? Eh bien, qu'on est très heureux d'accueillir le public pour cette 5e édition et que c'est toujours un temps extrêmement joyeux. En plus, cette année encore, il est au moment du printemps, donc il y a quelque chose qui fait du bien, de joyeux, de léger, et je crois que tout le monde en a bien besoin, petit et grand. Merci beaucoup. Avec plaisir, je vous remercie. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.